dans les rangs. On accuse les parents d'avoir été feignants. Quand on n'a qu'un enfant, on reste dans l'instant de ce premier moment qui nous rendit parents. Quand on n'a qu'un enfant, on s'écarte des clans, des parents impatients qui veillent sur plein d'enfants. Mais quand on n'a qu'un enfant, on reste près des gens, solitaires ou errants, en compagnon confiant. Quand on n'a qu'un enfant, on lui donne tout notre temps, on prétexte l'isolement pour jouer les enfants. Mais quand on a un enfant, on est reconnaissant d'avoir pu par le sang créer papa, maman. On culpabilise tant aux frères, aux sœurs absents qu'on essaiera un temps. Quand on n'a qu'un enfant, on rend plus important des cousins bienveillants, des copains bien bruyants. Quand on n'a qu'un enfant, on tend vers l'apaisement, soleil vert décroissant, pas de surpeuplement. Quand on n'a qu'un enfant, on est mono-aimant, notre amour est fondant sur cet unique enfant. Qu'un enfant, on a bien plus le temps pour chanter à l'encan des refrains entraînants. Mais quand on a un enfant, on espère secrètement que ce fruit si charmant nous rendra heureux.